Chapitre 19e. Auditeur incrédule. Paulin Broquet écoutait en souriant le clown lui faire le récit de son bizarre accident. Mais tout en écoutant Fungetti, tout en suivant ses paroles, Paulin Broquet, quoiqu'il se gardât bien d'en rien laisser paraître, éprouvait une singulière appréhension. Fungetti poursuivit, faisant avec son bras gauche des gestes deux fois plus nombreux, plus amples, puisque ce bras devait, pour lui, et le droit immobilisé, seconder, accentuer les paroles, faire tout seul la mimique qui accompagnait chaque phrase du narrateur. Et ce satané macaroni collé à mon pauvre bras ne voulait pas le lâcher, le quitter. Quand à mes cris on a couru, quand on voulut me délivrer, ce fut peine perdue. Le macaroni me tenait. Il se collait de plus en plus, et il glissait des doigts de ceux qui voulaient l'enlever, pour s'enrouler encore mieux sur moi. Il me dévorait. Ce devait être en effet très douloureux. Ah oui, épouvantable! Enfin, quand on a pu me débarrasser, mon pauvre bras n'était plus qu'une plaie horrible. J'ai dû aller chez le médecin, et me voilà immobilisé pour quelques jours. Paulin Broquet insinua. C'est fort heureux, et le hasard est extraordinaire que vous n'ayez été atteint qu'à un bras. Je renversais la bassine, dit Fungetti, du côté droit. Et que vous n'ayez pas été au corps par un jet d'eau bouillante. Oui, oui, en effet, répondit le clown, quelque peu embarrassé, par cette si simple et si logique remarque. Mais à ce moment, il n'y avait que très peu d'eau au fond de la bassine, car le grand art, pour la cuisson du macaroni, c'est de mettre juste la quantité d'eau qu'il absorbera. Mais pendant que Fungetti lui parlait, depuis le commencement de cet entretien, Paulin Broquet parfois tournait légèrement la tête, cherchait. Si je puis ainsi dire, il était comme le chien de chasse qui, au repos, loin des champs, perçoit tout à coup le fumet inattendu du gibier qui passe. Il demanda encore au clown « Avec quoi vous a-t-on pensé ?»« Oh, tout simplement avec un badigeonnage à l'acide picrique, avec un liniment oléocalcaire. »« Oui, c'est ce qu'il y a de mieux en pareil cas, » fit Paulin Broquet. Mais il se dit en lui-même « Ce pansement, si c'est bien celui qu'on lui a fait, ses ingrédients, si c'est bien ceux qu'on a employés, n'ont pas d'odeur. » Et il ajouta, toujours en aparté, « Cependant, Fungetti a par moments des relents de la femme rousse, c'est étrange. » Paulin Broquet pensa que probablement Fungetti avait tout récemment rencontré Messiton et lui avait serré la main. Cela pouvait, à la rigueur, justifier ses émanations fugitives, il est vrai, mais indiscutables, du parfum spécial sur lequel le détective ne pouvait plus se tromper. On parla de choses et d'autres, blessures, pansements, accidents en piste, car d'autres artistes, d'autres habitués du cirque étaient venus s'enquérir de sa santé auprès du clown. Paulin Broquet s'éloigna, très intrigué. Il voulait savoir si Miss Eden se trouvait déjà dans le cirque, ou si elle avait vu ailleurs le blessé. Dans les paroles, dans la façon de raconter, dans l'intonation, Paulin Broquet avait reconnu que Fungetti ne disait pas la vérité. « Il ment, » pensa-t-il, « il raconte une histoire. Sa blessure n'a pas pour origine un macaroni. » Le détective alors se demanda pourquoi Fungetti s'astreignait à ce mensonge et pour quelle raison il ne disait pas la vérité tout bonnement sur cet accident banal. Mais il tenait à savoir aussi, et cela très fortement, comment il pouvait se faire que Fungetti rappelait ainsi, malgré lui, sans s'en douter peut-être, le parfum exquis et subtil de la femme rousse. Le hasard, son ami le hasard, devait répondre tout au moins à la première de ces questions. Comme Paulin Broquet se disposait à gagner son fauteuil, il entendit quelqu'un du personnel qui disait à Eugenio « Ah, voici Miss Hidden !» Paulin Broquet, par cela même, apprit que Miss Hidden ne se trouvait pas au cirque depuis le commencement de la représentation, puisqu'on signalait seulement sa présence maintenant. Donc, ce n'était pas elle, qui, un moment tout d'abord, il l'avait supposé, pas elle, qui, en traversant les coulisses, y avait laissé la trace délicieuse de son passage. Et son parfum, comme un sillage caressant et charmeur. Par conséquent, c'était bien Fungetti qui gardait sur lui ce parfum à nul autre pareil. Pour cela, il avait fallu qu'avant de venir au cirque, il ait vu Miss Hidden. Et ce fut un long moment trouvé avec elle, à côté d'elle, qu'il ait eu le temps de s'imprégner de cet arôme facile à reconnaître entre tous. Paulin Broquet s'arrêta dans le couloir qui mène des coulisses à la piste et permet de gagner les fauteuils des spectateurs. De là, sans être vu de Miss Hidden, il pouvait l'apercevoir, la suivre jusqu'au moment où elle gagnerait le foyer des artistes ou l'escalier conduisant à l'étage que surveillait Madame Frisette. Miss Eden s'avançait, simplement, très calme, très naturel, souriant, disant bonjour, répondant avec sa grâce coutumière au salut, rendant des poignées de main. Fungetti se trouva sur son passage. Avec un accent d'étonnement sur la sincérité duquel Paulin Broquet ne put se méprendre, elle s'écria, en apercevant le bras emmailloté du clown, « Ah, Fungetti, ce bras! Vous êtes blessé, ici, maintenant! Qu'avez-vous ?» Fungetti, en gesticulant comme toujours, lui répondit, « Rassurez-vous, Miss Ida, je ne me suis pas blessé ici. Rien de cassé, brûlé seulement. Brûlé! Comment vous êtes-vous brûlé? Avec des macaronis ?» Et comme Miss Eden le regardait avec des yeux tout étonnés, très complaisamment une fois de plus, Fungetti refit pour son adorable camarade le récit de son accident. Miss Eden l'écoutait avec le plus grand intérêt. Mais Paulin Broquet, très observateur, physionomiste admirable, put remarquer que plus le clown racontait, en mimant, son accident, plus l'expression de la figure de Miss Eden se modifiait. Ce fut d'abord un douloureux étonnement, puis de la compassion. Enfin, elle témoignait de la surprise seulement, et ensuite du doute, pour arriver jusqu'à un sentiment étrange qui dénotait à la fois le retour de l'anxiété et une sorte de satisfaction, comme si tout à coup elle se sentait tirée d'inquiétude et venait de résoudre un problème secret dont son esprit supportait le poids accablant. Fungetti certainement remarqua de son côté ce changement de physionomie. À son tour, tout en parlant, il regardait Miss Eden avec une inquiétude que Paulin Broquet lisait admirablement sur sa face mobile et expressive. Les paroles que prononce cet homme, se dit-il, ne répondent pas à ce qui se passe dans sa cervelle. Il récite un rôle, tout en pensant à autre chose. D'ailleurs, il ne récita pas longtemps, et il écourta sa narration, qu'il semblait avoir hâte de terminer devant cette auditrice, qui, il le sentait parfaitement, ne le suivait plus. Néanmoins, il crut devoir être beau parleur et trouver le mot de la fin. « Bref, dit-il en voulant que ce soit comique, bref, Miss Ida, ces satanés macaronis que je devais manger se sont vengés avant mon coup de fourchette, en me dévorant à moitié le bras. » Ce n'était pas très drôle. Miss Eden ne sourit même pas. Très sérieuse, ayant repris sa physionomie grave, elle dit au clown « Espérons que ça n'ira pas plus loin, et que dans quelques jours vous pourrez complètement guéri reparaître en piste et récolter les bravos enthousiastes de tous vos admirateurs. » Et après une légère inclinaison de tête, elle s'éloigna. Elle se dirigea vers le couloir qui conduisait à la piste, par lequel, entre la double haie d'écuyers, de clowns, de valets, passaient les artistes. Selon l'habitude, elle venait jeter un coup d'œil dans la salle pour voir le public. Et comme, sans le vouloir, sans y mettre d'intention, elle s'approcha du côté de ce couloir où Paulin Broquet se trouvait, d'où il avait pu, se croyant inaperçu, suivre toute cette scène entre la plus belle des femmes et le singulier clown blessé. Sidon eut l'air alors de découvrir Paulin Broquet. Manifestant une sympathique surprise, elle lui tendit la main. « Jolie salle, ce soir, » fit-elle. « Superbe !»« Mais le public sera peu gâté. Il lui manquera son favori, Fungetti. »« En effet, il est blessé. »« Blessure bizarre, n'est-ce pas, le macaroni enflammé ?» Elle ajouta en souriant. « On a parfois de ces désagréables surprises, quand on met la main sur ce qu'il ne fallait pas toucher. » Elle s'éloigna, après avoir de la main fait au détective un amical signe d'au revoir. Et Paulin Broquet, bien qu'il fût sous le charme, remarqua que Miss Eden, pendant qu'elle lui parlait, se trouvant près de lui, ensuite quand elle s'éloigna, ne répandait pas ce parfum doux et poivré, acidulé et velouté, prenant et tenace, qui était le parfum de la femme rousse, et que si fortement tout à l'heure dégageait le clown blessé, le champion du macaroni, Fungetti. Miss Eden avait, en quittant le détective, reprit sa démarche de reine, admirable, et elle monta les marches de l'escalier au haut duquel Madame Frisette l'attendait pour lui ouvrir la porte de sa loge.